on va enchaîner donc avec l'intervention de Laurent Bloch, que j'ai déjà présenté, et qui va donc nous emmener du côté des systèmes d'information et des méthodes de conduite de projet. J'avoue que je ne suis pas très spécialiste, donc je vais tout apprendre. Voilà, alors comme on le sait déjà, donc c'est des systèmes qui sont démodés, mais je pense que comme ils sont démodés, ils risquent de... De revenir à la mode. Oui, d'abord, il y a ça qui peut se produire, et puis ensuite, comme ça arrive par vague, comme il a déjà été dit, dans les endroits pauvres, c'est-à-dire ici, par exemple, ça peut encore arriver, quoique là, il y a quelqu'un de déjà prévenu qui soit là pour une part. Mais de toute façon, tous ces trucs-là sont dans la même logique, donc c'est pas très grave. Alors, pour vous expliquer un peu d'où je parle, alors moi, je suis un praticien, hein, donc ce sera moins théorique que l'exposé précédent, mais ce sera un peu des expériences concrètes, mais ça recoupe pas mal et ça correspond bien, ça va bien avec ce qu'a dit... Alors tiens, il n'y a pas de féminin pour prédécesseur. Non, ça ne marche pas. Voilà, donc alors, de naissance, moi je suis un... J'ai fait de l'informatique toute ma vie, c'est ça qui m'intéresse, et j'ai réussi pendant 25 ans à échapper au système d'information, aux méthodes de projet qui étaient donc qui sévissaient beaucoup à l'époque, et à faire de l'informatique vraiment passionnante, etc. Et puis un beau jour, les hasards du marché du travail ont fait que je suis tombé dans un endroit où on m'a expliqué que j'allais faire des projets. Alors comme je pense que c'est justement ce qui tombe dans la science actuellement, c'est pour ça qu'Isabelle a pensé que c'était intéressant que je vienne vous en parler. Alors, ça ne me plaisait pas, mais bon, c'était comme ça. Le boulot que j'avais trouvé, mon employeur précédent, mon lien s'était distendu, et l'employeur futur, donc tout ça se passait vers l'an 2000. L'employeur à venir était très impliqué dans les méthodes de conduite de projet, dans les méthodes système d'information, qui m'inspirait la plus grande méfiance. C'était comme ça. Donc je me suis documenté, je me suis acheté des bouquins, j'ai commencé à regarder de quoi il s'agissait. Ça m'a tout de suite paru peu sympathique, mais bon, voilà, il fallait que j'avais une famille à nourrir, des choses comme ça. Donc, comme il avait déjà été dit, au travail, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc cet employeur, alors j'ai le droit d'en parler parce qu'en plus je suis à la retraite, alors je dis ce que je veux, c'est ça qui est bien. C'était l'INSERM, un grand EPST, alors l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. C'est 7 à 8 000 salariés, 13 000 personnes qui y travaillent. Bon, c'est comme ici, c'est un peu compliqué, il y a des tas de gens, des universitaires, des chercheurs extérieurs, des thésards, des post-docs, bon, toutes sortes de gens qui viennent d'autres organisations. Et donc, l'INSERM s'était doté peu de temps auparavant d'une direction du système d'information avec un DSI dont je suis devenu en quelque sorte l'adjoint. Et... Ils étaient adhérents d'un organisme qui s'appelle le Club des maîtres d'ouvrage, qui existe toujours, et ils appliquaient les méthodes canoniques à l'époque, hein. Enfin canoniques à l'INSERM, hein. C'est-à-dire qui étaient canoniques dans les secteurs privés 10 ans avant, en gros. Et donc je me suis concentré là-dessus. Alors j'ai réussi à y échapper assez vite, mais... j'ai pu l'observer parce que j'étais au milieu de ça, mais sans avoir à en faire moi-même. Je suis devenu, au bout de quelques mois, responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'INSERM, et j'ai réussi à faire expliquer que la sécurité, ça n'était pas un projet, c'était une activité, et que donc ça ne tombait pas sous le coup des méthodes qu'on aurait pu essayer de m'imposer auparavant. Mais enfin, j'ai quand même eu un petit épisode projet, hein, c'est-à-dire, bon, j'étais arrivé depuis un mois à l'INSERM, un jour, j'accompagne le directeur des systèmes d'information à une réunion avec la direction financière. Alors, je vous rappelle, on était au milieu 2001, et donc le 1er janvier 2002 était la date limite légale pour le passage à l'euro, il fallait absolument passer à l'euro. Donc je somnolais tranquillement dans une réunion très ennuyeuse avec la direction financière. Et tout d'un coup, j'entends le DSI qui dit, ben, pour le passage à l'euro, Voilà quelqu'un qui va s'en occuper, Laurent Bloch. Et j'avais 6 mois pour faire le passage à l'euro de l'INSERM. Il y avait eu un chef de projet euro qui avait travaillé, soi-disant, enfin on va voir de quoi il s'agissait, qui ne travaillait absolument pas, qui avait été là pendant 2 ans et qui avait précautionneusement et prudemment démissionné juste avant et qui était parti. Et donc j'avais 6 mois pour faire le passage à l'euro de l'INSERM. Je vous raconterai un peu comment ça s'est passé. Et donc, j'ai hérité de ce projet. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chose à vous dire sur la littérature sur le sujet ? Alors, le livre que je me suis acheté, c'est celui qui est cité ici, hein, le chef de projet paresseux mais gagnant. J'étais allé dans une librairie, hein, alors le titre m'avait paru... prometteur. Il y avait des dessins de Sampé, hein, je crois que ce bouquin est toujours disponible. L'éditeur avait l'air d'être quelqu'un qui s'y connaissait un peu dans ce domaine. Vraiment, le point de vue de l'ennemi, j'ai acheté ce bouquin, je l'ai lu. J'ai vu que d'être chef de projet, ben, c'était vraiment, on passait son temps à faire, alors surtout pas du travail. Oui, je pense qu'il y a un autre livre que je n'ai pas marqué ici, mais qui est vraiment fondamental. C'est le livre d'Alexandre Zinoviev qui s'appelle « Les hauteurs béantes » qui décrit le système soviétique de l'époque brejnevienne. Et alors il y a des chapitres absolument formidables dans ce bouquin de Zinoviev, c'est quand il parle de l'imitation de travail. Et l'imitation de travail, alors c'est exactement ça, hein, la chefferie de projet, c'est de l'imitation de travail. C'est-à-dire qu'on ne fait rien qui soit vraiment productif. Mais par contre, qu'est-ce qu'on remplit comme paperasse? Qu'est-ce qu'on a comme réunion? Enfin, en gros, on a toute la journée des réunions, et quand on n'est pas en réunion, on fait les comptes rendus de réunion, on fait les ordres du jour de réunion, on fait les notes d'orientation, on fait des trucs comme ça. Tout ça est parfaitement inutile, mais ça occupe drôlement, et même on est complètement stressé parce qu'on fait ça éventuellement 12 heures par jour. Alors c'est ce qu'explique le bouquin là de messieurs Destor, Le Pissonnet et Fersten. Alors ensuite, après, à l'issue de cette expérience, j'ai écrit un livre qui est épuisé chez l'éditeur, c'était chez Viber. Ça s'appelait Les systèmes d'information. Alors l'éditeur m'a rendu les droits, donc il est téléchargeable sur mon site en accès libre. Le PDF est accessible, vous pouvez vous le procurer. Si vous le trouvez sur Le Bon Coin d'occasion, il y a une très belle couverture, c'est ce qu'il y a de mieux dans le bouquin. Viber avait acheté les droits des dessins de Skuiten, je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur de bande dessinée. Et il y a une magnifique couverture qui correspond extrêmement bien. Alors, autrement, si vous vous intéressez à ces choses-là, il faut lire le bouquin de Brooks, hein, Le mythe de l'homme-moi. C'est vraiment un excellent bouquin. Alors, Brooks, ce n'est pas un amateur dans ce domaine. C'est quelqu'un qui a piloté sans doute le plus gros projet informatique de l'histoire de l'informatique, c'est-à-dire l'écriture du système d'exploitation des ordinateurs IBM, l'OS 360. C'est un projet de plusieurs milliers d'années. Hein. Et c'est un projet relativement couronné de succès parce que ce système est sorti en 1964 et il est toujours en fonction. Donc c'est un logiciel qui est en service depuis 50 ans et sans doute encore pour longtemps. Donc des milliers d'années-hommes, hein, peut-être même maintenant des dizaines de milliers, parce que évidemment ça évolue quand même, c'est pas toujours... C'est plus tout à fait le même qu'en 1964. Et je pense que c'est encore de beaux jours. Il y a toutes les chances que votre compte en banque soit géré par ça, par ce système-là. Et il a écrit un bouquin qui est en quelque sorte un bouquin d'autocritique. Alors si on vous devait résumer le bouquin en une phrase qu'il a donnée lui-même, l'idée est la suivante. Bon, tout le monde sait que... une femme met 9 mois à produire un enfant. L'idée de la chefferie de projet, du mode projet, c'est qu'en prenant 9 femmes, on arrivera à avoir un enfant en 1 mois. En gros, c'est un peu ça le... Je blague à peine, hein. ces bêtises. Voilà. Alors, à part ça, le mode projet tel qu'il existe, ça se ramène entièrement à l'idée qu'il faut permettre à des incompétents de diriger des gens qui font un travail qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre. Alors, ce n'est pas forcément idiot, hein. S'il fallait que tout le monde ait toutes les compétences partout, tout le temps, ce serait extrêmement coûteux et ce serait un gaspillage considérable. Donc, de pouvoir permettre à des gens qui ne connaissent pas tout de diriger des activités ou de piloter ou de travailler avec des activités dont ils ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants, ça peut avoir de bons côtés, mais ça peut aussi en avoir de mauvais. Et en tout cas, ça prend énormément de temps, parce que ça veut dire qu'il va falloir adopter justement des procédures, parce que les gens qui ne comprennent pas la teneur du boulot, voilà, les gens d'un métier qui se comprennent, c'est ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure, je place masculin, puisque là, comme ça, c'est féminin, entre gens d'un métier, on sait des choses, on est capable de se comprendre sans avoir à tout expliciter, tandis que s'il faut rendre compte à quelqu'un qui n'y connaît rien, il va falloir tout mettre par écrit et ça multiplie. Alors ça a été estimé hein, par les gens qui ont étudié l'informatique et comment ça se réalisait, ça multiplie en gros le temps de travail par 4. À partir du moment où il faut expliquer, où il faut dialoguer avec quelqu'un, il doit y avoir un dialogue entre deux personnes qui ne sont pas du même métier et chacun doit expliquer à l'autre, le client doit expliquer à l'autre ce que doit faire le logiciel et l'informaticien doit expliquer au client comment il faut, de quelle information il a besoin pour pouvoir faire le logiciel qui va bien. Ça multiplie le temps par 4. C'est extrêmement douloureux. En tout cas, le bouquin de Brooks, hein, c'est vraiment un grand bouquin, c'est en plus qui dispose d'une excellente traduction en français. Alors, quelqu'un que j'ai découvert aussi à cette occasion-là et qui m'a beaucoup aidé, c'est Jean-Pierre Dupuis, que vous connaissez sans doute. Hein. Alors, Jean-Pierre Dupuis a écrit des livres sur... Il s'est intéressé à la... au risque de catastrophe due au nucléaire ou à des choses comme ça. On parle de catastrophisme éclairé. Hein. Bon, alors moi, ce qui m'a surtout retenu dans son bouquin, qui m'a été utile justement pour résister au système d'information, c'est la distinction entre rationalité procédurale et rationalité substantielle. Alors, la rationalité substantielle, c'est celle que partagent les gens d'un même métier, par exemple des informaticiens. Il y a des tas de choses que les informaticiens professionnels, s'ils sont des vrais professionnels, savent sur leur métier et sur lesquels il n'y a pas besoin de s'étendre pendant des heures et des heures de réunions, de comptes rendus et de cahiers des charges. Mais par contre, si on doit travailler avec des gens dont ce n'est pas le métier, en général c'est le cas d'ailleurs, hein, on va être obligé d'utiliser de la rationalité procédurale. Où donc on aura des rédactions de cahiers des charges. Et donc, bon, un des problèmes de l'informatique, c'est que c'est quand même très compliqué. Les gens nourrissent l'illusion. C'est facile, hein. C'est bien connu. Hein. Les enfants apprennent l'informatique en 8 jours, et ensuite, ils expliquent à leur grand-mère. Bon, ben, manque de chance, c'est absolument pas comme ça. Les processus informatiques sont des choses extrêmement compliquées et vraiment tout comprendre, devenir un vrai informaticien professionnel, c'est des années de travail. Et ça ne peut pas être accéléré parce que l'informatique impose une façon de penser différente qui n'est pas naturelle, qui n'est pas intuitive et acquérir une nouvelle façon de penser, ça ne se fait pas en 8 jours. Alors, la rationalité procédurale, elle a des raisons d'être, donc. Le danger est d'évacuer toute la rationalité substantielle, c'est-à-dire celle qui sait comment vraiment fonctionnent les choses, et de tout remplacer par la rationalité procédurale. C'est l'essence de la méthode de conduite de projet. Ces méthodes sont extrêmement fortes. En plus, elles sont très très encouragé par les cabinets de consultants, notamment les Deloitte, les Ernst Young et ces gens-là, qui sont des grands criminels. Hein. C'est vraiment, ces entreprises sont des entreprises, sont des fauteurs de catastrophes. Hein. Parce qu'évidemment, leurs intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de leurs clients. Je vais approfondir un peu cette question-là. Mais comme les clients sont généralement incompétents, ils se laissent, on va le voir dans le cas de l'INSERM que je vais pouvoir un peu développer, les clients se laissent facilement, bon, les gens de Arthur Andersen, Ernst Young, ou Deloitte, ou des cabinets comme ça, ils font ça à longueur d'année, donc ils sont très forts, ils savent très bien comment présenter les choses. Et le client en face, il fait ça deux ou trois fois dans sa vie professionnelle. Donc en général, il se laisse facilement convaincre, d'autant plus que les informaticiens sont des gens imbuvables. Donc en général, très souvent, on a licencié les informaticiens ou on les a mis sur la touche. En tout cas, on ne veut plus entendre parler d'eux dans les processus de décision, parce que justement, ils ramènent leur façon de penser différente, qui est très perturbante et qui en plus est difficile à comprendre. Et puis en plus, les informaticiens sont souvent un peu autistes, névrosés, tout ça, donc on les a virés d'une façon ou d'une autre. Et donc un DSI incompétent parle à Deloitte, parle à des consultants qui savent très bien comment présenter leur affaire, et ça marche très bien. Le DSI de l'INSERM, auquel j'ai eu affaire, avec qui j'ai eu des relations ambiguës, c'était d'une part quelqu'un qui était très bien par certains aspects. Professionnellement, c'était un vétérinaire. Il avait recruté comme directrice des projets une dame qui était une spécialiste des ressources halieutiques. Enfin bref, surtout pas d'informaticien. Et moi, j'étais trop informaticien, c'est pour ça que en fait, j'étais assez vite sur la périphérie du dispositif, comme on pourrait dire. Et on y allait dans la notion de rationalité procédurale converge assez vite avec la notion d'imitation de travail. Alors voilà mon projet de passage à l'euro. Alors le DSI m'avait dit, bon, ok, je t'ai balancé là-dedans un peu par surprise, d'accord, c'est pas un cadeau, t'as 6 mois pour réussir, mais tu pourras t'appuyer sur tout le travail du type qui venait de démissionner, là. Alors le travail du type qui venait de démissionner, c'était extrêmement impressionnant, effectivement, il y avait un plein disque dur de documents, il y avait à peu près 500 documents sur le passage à l'euro, 500 documents. Ces documents étaient de la pure rationalité procédurale, c'est-à-dire, bon, on avait défini des normes de documents avec l'auteur, l'émetteur, le but, etc. Et donc, il y avait 3 ou 4 pages de définition du contexte du document, des référents, des comités, tous les visas nécessaires, etc. Et puis ensuite, ce qu'il fallait faire, là, il n'y avait jamais rien. Il y avait 500 documents entièrement vides. C'est ce que j'ai découvert. Ce type avait vraiment bien fait de donner sa démission. Alors, il passait pour le meilleur chef de projet. La directrice de projet, spécialiste de ressources halieutiques, disait que c'était un type absolument génial, et que c'était dommage qu'on n'ait pas pu lui donner une augmentation de 50% pour le convaincre de rester. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y avait rien du tout. Rigoureusement rien. Je m'en voudrais de caricaturer. Donc le DSI m'a dit, bon, t'en fais pas, c'est pas grave, je vais te donner un coup de main, je vais te payer une assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, c'est quoi l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Alors, ça, assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, je ne savais pas trop un peu, j'envisageais de me lancer comme indépendant, je ne voulais pas trouver autre chose. Un copain m'a dit, fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est que du baratin, il n'y a rien à faire, de toute façon, ce ne sera pas toi le responsable. Effectivement, j'ai bien vu. Alors, précisons les termes. Maîtrise d'ouvrage, on va voir, tout ça, ça vient du bâtiment, hein, ces trucs-là, ces méthodes de conduite de projet. Alors, le premier concepteur de méthode de conduite de projet, c'est un certain Brunelleschi, vous avez peut-être entendu parler, qui a été le concepteur et le réalisateur de la coupole de la cathédrale de Florence au XVe siècle, Santa Maria del Fiore, que je vous invite à visiter. Alors c'est très bien, je vous invite à aller à Florence, hein, ça vaut le coup. Vous invitez-vous ? Non. Je vous invite au sens général du terme. Et alors, vous visiterez la cathédrale. Alors, la première fois que j'y suis allé, on pouvait monter au sommet de la coupole. Alors, cette coupole était un truc vraiment unique qui nécessitait des méthodes de construction tout à fait novatrices parce qu'il fallait une coordination très forte. Parce que c'était une construction sans échafaudage, donc il fallait une synchronisation parfaite. Et d'ailleurs, quand vous irez à Florence, en face de la cathédrale, il y a un musée des travaux de la cathédrale où on voit les manuscrits de Brunelleschi, où il explique effectivement tout son truc. Et voilà. Et alors l'idée des projets d'architecture, c'est qu'on fait une distinction entre la maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, la municipalité de Florence, par exemple, qui veut une cathédrale avec un dôme de telle forme qui soit... Pour l'époque, c'était le bâtiment le plus haut, en tout cas, de la chrétienté. Hein, c'est culmine à 103 mètres. C'est avec une base très étroite, c'est-à-dire c'est une coupole très pointue pour comparer à celle du Panthéon de l'époque. Et enfin, vraiment, Brunelleschi a fait un très beau travail. Alors donc, la maîtrise d'ouvrage, donc, c'est la municipalité de Florence. Et le maître d'œuvre, ben, c'est Brunelleschi, c'est le type qui est chargé de coordonner tous les corps de métier. Alors avant Brunelleschi, il y avait eu déjà des grands maîtres d'ouvrage, comme Suger, qui a fait construire, qui était l'abbé de Saint-Denis, qui a fait construire la basilique. Mais là, c'était un peu désordonné entre les différents corps de métier. Donc ce qu'a fait Brunelleschi, c'est de faire des documents écrits pour préciser ce qui devait être fait et d'obliger les corps de métier à lui obéir dans un ordre. Parce que, oui, la coupole de Santa Maria del Fiore a 8 pans, et comme il n'y a pas d'échafaudage, il fallait que les pans de la coupole progressent de façon parfaitement synchrone, avec des pierres plus lourdes en bas, plus légères en haut, des pierres volcaniques plutôt légères au sommet. Il y a un très bon article de Boucheron dans son grand bouquin sur l'histoire du XVe siècle, puis dans son gros pavé, là, en 3 volumes ou 2 volumes selon l'édition. Et il y a un petit article d'une dizaine de pages qui raconte tout ça très bien. Autrement, il y a des bouquins plus détaillés sur... Enfin, c'est un truc formidable. Hein. Il y a juste que ça ne marche pas comme ça pour l'informatique. Enfin, bref. Donc, le maître... Alors, j'ai fait partie donc pendant une douzaine d'années du club des maîtres d'ouvrage, des systèmes d'information. La conclusion à laquelle nos travaux ont abouti, c'est que quand ça rate, c'est toujours la faute de la maîtrise d'ouvrage, mais qui toujours, en général, va essayer de faire porter le chapeau à la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, je vous rappelle, c'est ceux qui font le boulot. C'est l'architecte qui est sur le terrain et qui coordonne les maçons, les couvreurs, les ébénistes et tout ça. Et quand le projet échoue, c'est toujours la faute de la maîtrise d'ouvrage qui n'a pas rédigé les bons cahiers des charges, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une insistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc me voilà un beau jour, donc on paye un contrat avec une boîte, je ne sais plus laquelle, qui nous envoie un maître d'ouvrage, un type très sympa et pas idiot d'ailleurs, hein. Alors, il me dit, bon, ben voilà, on va commencer à regarder le chantier. Donc, il y avait 20 logiciels dans le système de gestion de l'Inserm. Hein. Bon, depuis, ils ont changé, ils sont passés à des ERP, mais à l'époque, il n'y avait pas encore l'ERP. Alors, on s'est d'abord demandé, est-ce qu'on fait démarrer l'ERP en même temps que le passage à l'euro? On s'est dit que c'était trop dangereux, que ça faisait deux trucs qui risquaient de rater et que donc, il y en aurait sûrement un ou deux. Sinon les deux qui rateraient, et donc on s'est dit on va d'abord faire le passage à l'euro et ensuite le passage à l'ERP. On a bien fait parce que le passage à l'euro avec les vieux logiciels pourris s'est pas trop mal passé, tandis que le passage à l'ERP, l'INSERM est resté 7 mois sans payer ses fournisseurs. Bon, L'INSEM aurait été une boîte privée, elle aurait disparu à ce moment-là. Mais c'est le contribuable qui paye, donc on s'en fout complètement. Je pense qu'un certain nombre de fournisseurs de l'INSEM ont déposé leur bilan à la suite de ça, mais bon, tout le monde s'en fiche. Donc voilà qu'arrive mon assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le rôle que j'aurais pu tenir. Bon, ben voilà, il y a 20 logiciels qui servent à gérer l'INSERM. Donc on va faire un grand tableau, les 20 logiciels en ligne, les 20 logiciels en colonne, et on va voir toutes les interactions entre eux. Donc 20 fois 20, ça fait 400. Bon, on va dire que les relations du logiciel A avec le logiciel B, c'est la même chose que de B avec A, donc on divise par 2, on supprime la diagonale. Reste 180 cases à remplir. J'avais 6 mois pour faire ça. Ça faisait 30 cases par jour. Je me disais, oulala, ça va être terrible. Alors je retourne voir le DSI, qui heureusement, assez incompétent en informatique, mais très compétent en système de circulation de l'information. C'était peut-être son métier de vétérinaire qui lui faisait voir les choses de façon holistique. Il m'a dit, bon, attends, non, il n'y a pas 180 cas, tu ne casses pas les pieds. Les trucs qui doivent marcher vraiment la première semaine de janvier, il faut que les chercheurs, les directeurs d'unités de recherche puissent faire leur budget. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut qu'on puisse faire... Enfin, il y avait 3 trucs qui devaient marcher la première semaine de janvier. Il fallait qu'on puisse payer les gens à la fin janvier. Ça, c'était indispensable aussi. Et puis, il y avait une autre application, c'était les accidents du travail, mais ça, c'est trimestriel. Donc, tu as jusqu'à mars pour faire ça. Et puis, de toute façon, il y a juste 60 dossiers. Donc, à la rigueur, si jamais il faut, ben on fera ça avec Excel, parce que 66 dossiers, on s'en sort. Donc, on était passé comme ça, juste par, en passant de la rationalité procédurale à la rationalité substantielle, on était passé de 180 cases à 3 cases plus 1. Non, mais tout ça pour vous dire de quel désordre, de quelle entropie on hérite avec les méthodes de gestion de projet. Alors, je suis d'accord, les méthodes de conduite de projet dont je vous parle ici sont largement démodées. Maintenant, on ne fait plus vraiment comme ça, enfin, de moins en moins. Mais les méthodes qui ont remplacé ne sont pas mieux, voire plutôt pires. Donc, c'est toujours la même chose. Alors, sachant qu'il y avait 3 cases, j'ai identifié les 3 logiciels en question, et heureusement, ce n'était pas des ERP, ce n'était pas des trucs faits par des sociétés de services extérieurs, c'était des trucs faits par des gens locaux, des programmeurs du CRU, et ils étaient encore là. Et puis, il y avait l'ancien chef du système du service informatique, que le DSI avait supplanté, était en train de mettre sur la touche. Je suis allé le voir, il dit, bah, tu sais, moi, on est en train de me pousser dans le placard, hein, je ne sais pas si j'ai trop envie de collaborer avec toi. Je lui ai dit, oui, tu sais, moi, je suis en CDD. Hein. Il dit, bon, d'accord, allez, on va voir ça. Donc, lui, il connaissait un des logiciels. Je suis allé voir les 2 types qui connaissaient les 2 autres logiciels. Finalement, ce n'était pas si terrible que ça. Le boulot réel... Il y avait, pour passer des francs aux euros, il y avait une vingtaine de lignes de COBOL à changer dans chacun des programmes, et ça a demandé une semaine de travail réel, hein, en fait. Hein. Alors qu'en réalité, c'était un projet qui avait duré pendant 2 ans, donc le chef de projet passage à l'euro avait bossé pendant 2 ans à produire ses 500 documents vides, avec une équipe, hein, il n'était pas tout seul pour faire ça, il avait 2 ou 3 types, hein, qualifiés pompeusement d'ingénieurs. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est le rôle des consultants, des sociétés de services là-dedans. Alors l'INSERM, c'était un coquinet avec une société de services, Sopra, en l'occurrence. C'était pas eux les coupables, hein. Une société de service qui fait ce genre de boulot, ce qu'il faut bien voir, c'est s'ils ont affaire à un client compétent, ils couvrent à peine leurs frais. Donc s'ils veulent vivre et mieux se développer, c'est avec les clients incompétents. Donc la première chose qu'ils doivent faire, c'est repérer les clients incompétents. Là, à l'INSERM, pas de problème, ça, l'incompétence était absolument garantie. Elle était même complète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucune compétence à l'INSERM, hein. Simplement, les gens compétents avaient été poussés vers la périphérie des dispositifs. Le DSI de l'INSERM n'était pas un type incompétent, il était compétent dans les couches hautes. C'est-à-dire, il était très bon, il m'avait très bien expliqué quels étaient les logiciels importants, quels étaient les systèmes de circulation d'informations dont il fallait absolument que je m'occupe et ceux que je pouvais complètement laisser tomber. Pour ça, il était très bon. Mais par contre, comment on allait faire ça, c'était pas son métier, c'est tout. Et donc, la société de service qui venait avait très vite vu ça. Et on est obligé de louer des locaux pour loger les 50, ouvrez les guillemets, ingénieurs informaticiens, fermez les guillemets, que la SOPRA nous a collés pour faire pour faire avancer le projet de RP. Hein. Et le passage à l'euro, oui, j'en finis avec le passage à l'euro, donc c'était une grosse semaine de travail, on valide avec la direction financière que ça se passe bien. Ah oui! Les relations avec les utilisateurs, ça c'était intéressant. Il y avait un problème de rompu. Les rompus, c'est les arrondis en langage de comptabilité. C'est-à-dire quand on a des opérations en francs et qu'on convertit en euros, eh bien ça, il y a des opérations, des divisions qui ne tombent pas juste. Donc il reste quelques petits centimes. Alors, l'INSERM était pourvu d'un agent comptable principal muni de 14 agents comptables délégués pour les administrations déléguées dans région ou ailleurs. Et donc, j'ai regardé les documents de la comptabilité publique. Il fallait, pour résoudre ces problèmes de rompus qui se traduisaient par quelques centimes à répartir aux fins des écritures, alors soit toute écriture, on a deux valeurs, celle de l'opération réelle et celle du résidu, du reste après division. Soit on fait toutes les opérations en francs et ensuite on convertit, mais alors les additions ne tombent pas juste. Soit on convertit tout et on fait toutes les opérations en euros, mais là aussi il va y avoir des restes. Et donc je suis allé voir l'agent comptable de l'INSERM, qui était d'assez loin le salarié le mieux payé de tout l'INSERM. Hein, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'un agent comptable, ça n'est pas payé par une petite administration misérable comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je m'empresse de vous dire que parmi les fonctionnaires, ceux de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont parmi les plus mal payés, hein, sinon les plus mal payés. Tandis que l'agent comptable, lui, par contre, il est payé par le ministère du Budget, et ça, c'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Hein, je peux vous dire. Donc, il était de loin mieux payé que le directeur général, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il arrivait tranquillement vers 10h, il repartait à 5h. Et ce type-là n'avait aucune idée de la façon dont on allait traiter ce problème de rompu, qui était le problème à résoudre conceptuellement. Donc finalement, je suis allé voir l'ancien chef de service informatique qu'on était en train de placardiser. Je vous rassure, j'ai trouvé un autre truc après, bien par la suite. Moi aussi, d'ailleurs. Et on a réglé ça à notre cuisine. Personne ne s'est jamais plaint ensuite. Donc, travail réel, allez, 15 jours, 3 semaines pour 4 personnes, finalement. C'est ce que dit Zinoviev dans son bouquin, hein. Le travail réel, c'est toujours quelque chose qui se fait avec une petite équipe, un petit nombre de gens, ça ne dure pas très longtemps et ça ne coûte pas très cher. Par contre, limitation de travail, ça mobilise des dizaines, voire des centaines de gens, pour les grands projets, des milliers, hein, pendant éventuellement des années, et les résultats sont catastrophiques, comme le passage à l'URP que j'ai eu l'occasion d'observer à l'INSERM. Parce qu'en fait, naturellement, tous ces gens qu'on réunit pour ces projets d'imitation de travail sont généralement parfaitement incompétents, totalement non motivés et n'ont aucune idée du but à atteindre ni de la façon d'y arriver. Alors, oui, là, c'est les sources que j'ai utilisées ensuite, une fois que j'ai compris que tout ça n'était qu'imposture intellectuelle et gaspillage des deniers publics. Hein, oui, parce que la SOPRA, pour le passage à l'URP, pour lequel on n'a naturellement pas payé nos fournisseurs pendant 7 mois, donc nous a collé 50 soi-disant ingénieurs, dont moi je savais bien, pour avoir causé avec eux et pour avoir testé leurs compétences, qu'au mieux ils avaient un BTS force de vente, mais ils étaient facturés au tarif ingénieur informatique. Voilà. Oui, alors Brunel Eski, lui aussi, il avait à répondre à des appels d'offres, il avait des mises en concurrence. Il a eu d'ailleurs s'est fait humilier par Guy Berti, qui a fait les portes du baptistère juste en face. Enfin, quand vous irez à Florence, hein, faut absolument voir ça, c'est vraiment magnifique. Oui, une autre source, à part Brunel Eski, une autre source des méthode de conduite de projet telle que je l'ai connue, c'est le projet Apollo, l'envoi d'un vaisseau spatial sur la Lune. Apollo, qui est un projet qui a réussi. Bon, on conçoit bien, Apollo, c'était quand même un énorme projet. Donc on voit bien que dans cette histoire de projet, malgré tout ce que j'ai pu vous dire de négatif là-dessus, il y a quand même du vrai là-dessus. Si on veut faire travailler ensemble des milliers de personnes pour atteindre un objectif, pour atterrir sur la Lune et revenir vivant, ça c'est un objectif, c'est simple à comprendre. Hein, et c'est facile de voir si on réussit ou si on rate. Et il faut mieux réussir. Et pour réussir, on ne peut pas se contenter de se dire, bon, ben, vous les milliers de gens qui allez faire ça, vous allez faire un peu comme vous le sentez, hein, comme vous connaissez dans vos habitudes de métier, et puis on va bien voir ce que ça donne. Non, il va quand même falloir s'y prendre d'une façon qui fasse que, parce qu'en plus aller sur la Lune et revenir, personne n'avait fait ça avant, hein. Et bon, même pour des trucs moins ambitieux que ça, il arrive qu'on ait à faire des choses comme ça. Et là on voit bien qu'il va quand même falloir utiliser des méthodes. Alors, pourquoi est-ce que l'architecture et l'urbanisme ont séduit les informaticiens qui leur ont donc emprunté ces méthodes de conduite de projet? Alors, les premières méthodes, au début de l'informatique, dans l'histoire de l'informatique, on ne voyait absolument pas l'importance du logiciel. Ce qui était compliqué, c'était de construire des ordinateurs. Je vous rappelle que les premiers ordinateurs, c'était des engins qui, dans la puissance de calcul, était très inférieure à celle de votre montre électronique actuelle. Hein. C'était des engins qui pesaient 135 tonnes, qui utilisaient des locaux grands comme 4 fois cette pièce, et qui coûtaient extraordinairement cher. Et donc la programmation apparaissait comme quelque chose de tout à fait secondaire. Et au début, d'ailleurs, c'était considéré comme une prestation annexe fournie gratuitement. Et puis avec le temps, on s'est aperçu que c'était extrêmement compliqué et quand même extrêmement coûteux. Donc on a voulu d'abord s'inspirer de l'industrie mécanique. Alors l'industrie mécanique de ma jeunesse, quand j'étais en prépa, j'ai fait un peu de dessin industriel, parce que dans les prépas scientifiques, il y avait à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, il y avait du dessin industriel. Parce qu'on était destiné à devenir des ingénieurs, donc on devrait connaître le dessin industriel. Et ensuite, le dessin industriel, c'est un truc très bien pour la conception. Donc il y a l'ingénieur qui n'est pas très bon en dessin industriel, mais enfin il maîtrise un peu, donc il fait un dessin quand même pas trop mauvais selon certaines normes précises de l'objet qu'il veut fabriquer. Qu'il veut faire fabriquer. Et ensuite, il passe ça à des dessinateurs projeteurs qui maîtrisent mieux le dessin industriel et qui font des dessins extrêmement précis. Et un ouvrier professionnel, si on lui donne le dessin industriel, enfin si on lui donnait, parce que maintenant tout ça c'est informatisé, donc c'est assez différent, mais enfin le principe reste le même, à partir d'un dessin industriel, un ouvrier professionnel est tout à fait capable de régler les machines-outils et de produire les pièces qu'on lui a dessinées. Ça marche très bien, hein. Ça marchait très bien. Bon, maintenant, ça s'est transposé, c'est-à-dire tout ça se fait sur un écran d'ordinateur. Le résultat, c'est un programme qui fait marcher une machine à la commande numérique, mais le principe est le même. Donc, les informaticiens ont cherché pendant des décennies à inventer pour la programmation des ordinateurs l'équivalent du dessin industriel. Et encore maintenant, d'ailleurs, il y a des tentatives dans cette direction. Ça n'a absolument pas marché. Hein. Enfin, on a dépensé des sommes considérables pour essayer de faire ça. Là encore, les dizaines de milliers d'années-hommes se sont évaporés en fumée. Il y a une différence fondamentale entre une pièce mécanique à faire usiner par une machine-outil et un logiciel. Alors, déjà, le logiciel, il est invisible. On ne peut pas en avoir l'intuition, on ne peut pas le dessiner. Est-ce qu'on dispose d'un outil équivalent au dessin industriel ? C'est un outil de conception. Alors, en fait, il y en a un que les informaticiens ne voyaient pas, mais qui existait depuis le début. C'est la programmation. Quand on veut faire un logiciel, eh bien, on doit écrire un programme. Ce programme décrit les opérations qui vont devoir être faites par l'ordinateur. Il le décrit de façon extrêmement précise. Bon, alors ça donne lieu au proverbe suivant, l'embêtant avec les ordinateurs, c'est que ça fait ce qu'on leur demande, pas ce qu'on voudrait. Et c'est ça qui est embêtant, parce que la programmation des ordinateurs, c'est un travail créatif, intellectuel, extrêmement difficile. Bien maîtriser la programmation des ordinateurs, ça demande des années pour un bon professionnel, et il y a des tas de moyens d'être mauvais en plus dans ce truc-là. Et donc, pendant longtemps, l'informatique a vécu dans l'illusion que la programmation, ce serait un travail d'ouvrier mécanique, ce serait l'équivalent de l'OS avec sa machine-outil, et au-dessus, il y aurait des analystes qui produiraient, alors justement, on ne sait pas trop quoi, qui serait la conception, et on n'aurait plus qu'à donner ça au programmeur qui n'aurait plus qu'à coder. C'est ce qui apparaît dans l'expression péjorative de codage qu'on entend beaucoup ces temps-ci, ce qui prouve bien la stupidité des propos tenus par nos élites incompétentes à ce sujet. Je pense que ce qu'il faut enseigner au moins dès le collège, à raison de 3 heures par semaine pour tout le monde, c'est la programmation. C'est ça qui est le cœur de la compétence en informatique. Il faut savoir programmer, et tout le monde doit avoir appris à programmer, pour savoir ce qu'on peut attendre des ordinateurs, puisque notre vie moderne, l'économie moderne est maintenant centrée autour de l'informatique, et ça ne va pas s'arrêter. Donc il faut absolument savoir comment ça marche, sinon on sera comme l'INSERM, on sera victime des gens qui nous colleront des budgets absolument incroyables pour faire des choses qui ne vont pas. Alors, face à l'échec répété, alors je vous passe la litanie des tentatives de trouver l'équivalent du dessin industriel pour l'informatique, qui ont tout échoué. Donc ils se sont dit, puisque ça rate, peut-être que du côté de l'architecture et de l'urbanisme, on va trouver des modèles. Et c'est là qu'on a trouvé la gestion de projet de Brunelleschi. Brunelleschi était un grand génie, hein, se dit en passant, hein. Et il y avait une autre idée séduisante, hein, dans le modèle de l'architecture, c'est que dans un bâtiment, le plus important, c'est ce qui permet la circulation des gens, beaucoup plus que les pièces où ils stationnent. Hein, si un immeuble est raté ou réussi, c'est est-ce qu'on y circule facilement. Bon, les pièces, ça, après, c'est pas trop compliqué. Alors, pour l'informatique, pour la programmation des ordinateurs, c'est la même chose. Hein. C'est on doit faire circuler des données. C'est ça qui est compliqué. Et généralement, un logiciel, ça se fait par assemblage de modules différents. Un logiciel moyen, pour vous donner un ordre de grandeur, de ce que c'est qu'un logiciel, le système d'exploitation de l'ordinateur que j'utilise ici, c'est 30 à 40 millions de lignes de programme. 30 à 40 millions. On considère qu'un programmeur, en moyenne, mais là aussi la variance est très grande, hein, un programmeur en moyenne doit produire 5000 lignes par an. Donc vous divisez 30 millions par 5000 et vous avez le nombre d'années hommes de travail pour produire un logiciel de cette taille-là. Bon, un logiciel moyen, je vois par exemple un logiciel que j'utilise beaucoup, c'est un logiciel qui fait de l'ordre de 100 000 lignes de programme, hein, donc c'est 20 années hommes, hein, de travail. C'est un logiciel qui est essentiellement réalisé par un individu qui a fait sa thèse, c'était sa thèse. Maintenant, il est directeur de recherche à l'INRIA. Il y a 20 ans, il travaille plein temps là-dessus depuis 20 ans. Avec des thésards, des types d'anciennités de recherche, des post-docs qui passent de temps en temps. En gros, c'est son logiciel. C'est 400 modules assemblés qui font 100 000 lignes de programme. 20 ans de travail, en gros. Donc, de travail dont le résultat est invisible. Mais l'important, c'est donc c'est la circulation des données entre tous ces modules. C'est ça qui est compliqué à faire, c'est ça qui est analogue à ce qui se passe avec l'urbanisme. Mais c'est différent. Le problème, c'est que comme le logiciel, c'est invisible, les gens ne comprennent pas que c'est compliqué et que ça se manipule de façon compliquée. Encore un épisode arrivé à l'INSERM. Donc on avait monté le ERP, on avait passé les 7 mois sans payer les fournisseurs, tous les petits fournisseurs ont fait faillite, c'est une catastrophe épouvantable. Ça avait coûté plusieurs dizaines de millions d'euros détournés de la recherche, en pure perte, pour faire des choses qui ne marchaient pas en plus. Hein. Alors dans notre cas, c'était Oracle Application Services. C'est une merde. Mais ça, pareil. Hein. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de savoir, c'est pas juste parce que l'INSERM ne savait pas faire. Hein. British Telecom, qui est une boîte d'une certaine importance, de l'ordre de 150 filiales de par le monde, une centaine de milliers d'agents avaient décidé de lancer autour de Rock Application Services un projet ERP mondial, voilà, de centraliser toute la gestion mondiale des 100 et quelques filiales de BT autour de ce logiciel. Et alors tout le travail était conçu en Angleterre, déporté dans les filiales, la réalisation était faite à Bangalore. Je sais ça parce que mon fils travaillait chez BT à l'époque et donc il a beaucoup amélioré son anglais avec un accent indien parce qu'il passait 3 heures par jour au téléphone avec Bangalore. Ça a duré des années, ça a coûté des centaines de millions de livres sterling. Et finalement, le projet a été abandonné purement et simplement. Hein. Tout ce travail et tous ces livres sterling sont entièrement partis en fumée. Il n'en est rien resté. Hein. C'est des choses qui arrivent couramment. Il y a eu la même chose à la NPE, hein, l'ancêtre de points. Alors ça, on l'a su. Hein. 165 millions d'euros partis en fumée, en pure perte. Mais l'INSERM, ça marchote. Ça marche mal, mais ça marche. Donc ça a coûté aussi quelques dizaines de millions d'euros. Ça, comme ça marche mal, ça coûtera ça tout le temps. Mais ça ne se casse pas vraiment la figure, donc on va dire que ça dure. Là-dedans, il y a quand même une grande responsabilité dans l'incompétence des dirigeants. De temps en temps, quand le directeur du système d'information était absent, c'était moi qui allais le remplacer au comité de direction, donc j'entendais tous ces gens-là. Ils n'avaient aucune idée du travail. Il y a eu un autre projet dont j'ai eu à m'occuper, c'est le projet d'externalisation de l'exploitation. Pendant qu'on avait nos logiciels, notre ERP, qui avait fini par donner tant bien que mal des résultats qui permettaient de sortir une comptabilité, bref, fausse, mais qu'on corrigeait à la main après, tant pis. Et on avait décidé que de gérer l'exploitation, c'était bien de l'externaliser, de faire face à ça par une boîte extérieure. Donc il a fallu rédiger un cahier des charges, ensuite trouver, faire un appel d'offres, trouver un prestataire. Alors avec les marchés publics, oui, alors dans un système que les universités, je peux vous dire, il y a trois facteurs de nuisance irrémissibles. C'est le code des marchés publics, c'est le règlement de la comptabilité publique, et le troisième, c'est le statut de la fonction publique. Avec ces trois trucs-là, c'est quasiment impossible de travailler. Dans les systèmes d'information. Dans tout, mais spécialement dans les systèmes d'information. C'est mort. C'est mort. Le code des marchés publics vous oblige à être incompétent. Parce que quand vous êtes compétent pour acheter des trucs, quand vous êtes un informaticien compétent ou un directeur de système d'information compétent, ça veut dire que vous savez quels sont les bons et quels sont les mauvais parmi les fournisseurs, quelles sont les solutions qui marchent et quelles sont les solutions qui ne marchent pas. Bon, bah déjà, une fois que vous avez prononcé ces deux phrases, vous êtes en infraction avec le code des marchés publics et maintenant c'est le pénal pour ça. Parce que le code des marchés publics doit être parfaitement impartial. Donc, ce qui est recommandé quand vous faites un appel d'offres conforme au code des marchés publics, et si vous ne voulez pas aller au pénal, c'est l'incompétence totale. Parce que comme ça, vous ne risquez pas de biaiser. Tous les fournisseurs sont sur un pied d'égalité. Heureusement, l'incompétence totale est une ressource qui n'est pas totalement inexistante dans l'administration publique française. C'est la limite. Si vous n'en avez pas, il suffit de chercher un peu, vous allez le trouver. Donc oui, il fallait externaliser. Donc le directeur, le DSI, annonce un comité de direction qui avait lieu toutes les semaines. Bon ben voilà, on va externaliser l'exploitation. C'était encore moi qui avais dû faire le cahier des charges, la consultation, tout ça. Bon, ça voulait dire qu'une entreprise s'engageait à faire marcher nos systèmes. Donc tout ça, c'est un contrat où il faut être assez rigoureux sur les obligations des uns et des autres, hein. Parce que pour que ça marche, il faut que l'INSERM fournisse une documentation complète et suffisante pour que l'entreprise puisse faire son boulot. Donc la rédaction du contrat est assez serrée, parce que si l'entreprise est imprudente et qu'elle s'engage à faire des choses pas assez bien précisées, elle risque de se faire mettre en défaut et ça risque de lui coûter très cher. Et de même façon, un système d'information, oui, la grosse différence, la coupole de Santa Maria del Fiore, vous pouvez aller la voir, c'est la même que celle qu'a fait Brunelleschi. Mais un système d'information, ça n'arrête pas de changer. Il y a des raisons imparables pour lesquelles ça change, hein. Par exemple, quand j'étais à Dauphine, un beau jour, Madame Pécresse a défendu devant l'Assemblée nationale, qui a bien voulu le voter, la loi sur la loi LRU, liberté et responsabilité des universités, qui induisait la mise en place des RCE, les responsabilités et compétences élargies. Bon, c'était une bonne loi, hein, contrairement à, je pense que dans les milieux universitaires, tout le monde trouve qu'elle est mauvaise. Moi, je trouve que cette loi était bonne, elle était juste incomplète, c'est-à-dire elle donne de l'autonomie aux universités pour les aspects gestion, mais pas du tout pour les aspects universitaires. Il faudrait la compléter par une loi qui étende à la scolarité, qui supprime les diplômes nationaux et qui supprime la gestion par le ministère, enfin en gros qui supprime le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, qui ne sert à rien, sauf à utiliser des centaines de postes de fonctionnaires plutôt dans les catégories hautes, à faire des travaux plutôt nuisibles en général. Et puis on pourrait restituer à la vie étudiante les bâtiments de l'ancienne école polytechnique, où ils pourraient faire des trucs vachement sympas en plein centre de Paris. Et ce qui resterait du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, je pense qu'il faudrait l'expédier en Seine-Saint-Denis, qui est un territoire challengeant et intéressant. Il y aura des choses intéressantes à faire, du côté de Clichy-sous-Bois. Je pense qu'il serait très bien là-bas. Bref, donc le DSI annonce qu'on va externaliser, donc passer un marché public, c'est déjà au moins 6 mois si c'est un petit marché, que tout se passe bien. Ensuite, on avait choisi le fournisseur. Enfin bref, c'est un processus qui a pris 18 mois en gros. Et ça, on était très contents que ça ne prenne que 18 mois entre le début de la rédaction du cahier des charges et en fait le moment où l'entreprise arrive et hop, c'est eux qui font le boulot à la place des gens de chez nous. Donc le DSI annonce ça un jour en comité de direction, l'idée qu'on va peut-être faire ça. La semaine d'après, les gens lui disent « Alors, ton externalisation, là, ça s'est bien passé ?» Là, on est resté sur le cul quand même, excusez-moi de l'expression. Un truc qui passe 18 mois, les gens qui sont les dirigeants de l'INSERM, ils pensent que ça prend 2 jours. Non, c'est une incompétence crasse. Je suis désolé, quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre ça, actuellement, il n'est pas en mesure de diriger quoi que ce soit, ni une université, ni un institut de recherche, ni le Franprix au coin de la rue. C'est consternant. Bref. Voilà une des raisons pour lesquelles on ne... Voilà, là, ce que j'essaye de mettre sur ce transparent, c'est les choses qui distinguent fondamentalement le logiciel d'un bâtiment de Santa Maria del Fiore, et puisque c'est quand même le bâtiment par excellence. Donc, le logiciel, c'est invisible, on ne peut pas s'en faire une idée intuitive en regardant. Mais un des gros avantages, c'est que si vous prenez le ski au moment où sa coupole arrivait à mi-hauteur, il s'était dit « Ah oui, mais là, les fondations ne sont pas assez solides », eh bien, c'était mort, c'était trop tard. J'ai vu la chose en Égypte. Il y a eu un tremblement de terre en Égypte, c'était en quelle année ? À la fin des années, vers 2000 par là. Et il y a eu c'était un tremblement de terre pas très violent, mais il y a eu 3 immeubles qui se sont effondrés et qui ont fait plusieurs dizaines de morts. C'est parce que le permis de construire avait été donné par 5 étages et ils en avaient fait 20. Bon, ben, là, c'est clair, les fondations qu'on a construites, les 5 premiers étages, on ne pouvait pas rajouter en dessous pour avoir des fondations suffisamment solides pour les 20 étages, pour les 15 étages supplémentaires. Eh bien, l'avantage du logiciel, c'est qu'on peut faire ça. Et cette affaire a été formalisée par un des plus grands informaticiens de notre histoire informatique, le néerlandais Dijkstra, qui a inventé le modèle en couche, qui sert pour les systèmes informatiques de toutes sortes, spécialement pour les réseaux, mais pas seulement. Alors les couches basses, c'est les couches qui sont les plus près du matériel, les couches hautes, c'est les couches qui sont près de l'utilisateur. Par exemple, pour les réseaux, il y a un célèbre modèle en 7 couches. Alors la couche basse, c'est la couche physique qui envoie des électrons sur des fils ou des photons sur des fibres optiques, ou des faisceaux hertziens pour le Wi-Fi. Alors ensuite, il y a la couche de liaison de données qui assure qu'on est bien capable d'acheminer une donnée d'un point à un autre. Puis ensuite, il y a la couche réseau qui assure qu'on est capable de faire circuler des données à travers la planète entière par des systèmes de routage et de réseaux complexes avec des topologies compliquées, ainsi de suite. Donc cette couche instaure des couches d'abstraction successives qui permettent de modifier une couche basse, par exemple, quand on a remplacer les câbles coaxiaux par de la fibre optique, eh bien on a eu à réécrire le logiciel qui faisait marcher la couche basse, mais ça n'avait pas lieu de modifier la couche réseau qui, elle, est totalement indifférente au support physique sous-jacent. C'est un des avantages du logiciel sur le bâtiment. Contrairement à Brunelleschi, on peut décider que finalement on a envie de changer de fondation. Cette malléabilité engendre des faux espoirs et des illusions. Les faux espoirs, c'est de penser qu'on puisse faire ça rapidement. Comme le logiciel, c'est invisible et qu'on a l'impression, on clique et hop, ça démarre, les gens croient que c'est facile. J'ai vu ça quand j'étais à l'Institut Pasteur. Il fallait faire de l'analyse de séquences. Joël connaît ça bien. Ça crée des disjonctions tout le temps entre les biologistes et les informaticiens. Les biologistes pensaient que, ben voilà, ils auraient leur séquence. Alors à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein, c'était sur des disquettes. Voilà ma séquence, et hop, une heure après, j'ai l'analyse. Les informaticiens savaient très bien que même pour un truc de petite envergure, c'était un mois de travail. Et c'est là qu'on arrive à... Voilà. Une autre grande idée à savoir si on veut comprendre ces choses-là dans les systèmes d'information, c'est un indice élaboré par M. Buxton, qui était à l'époque, il est mort le pauvre, il était à l'époque professeur à l'université de Warwick. C'est l'indice de Buxton. Et ça, je trouve que c'est un truc très intéressant qui peut servir dans des tas de domaines. L'indice de Buxton, c'est la valeur numérique de la durée en année de la période pour laquelle une personne fait des plans d'action. Par exemple, l'épicier en bas de chez moi, ça va être 6 mois. Bon, il faut qu'il soit à peu près sûr de ses approvisionnements, de sa trésorerie pour les 6 mois qui viennent s'il veut maintenir sa boutique à flot. Si je me présente aux élections et que je suis élu, bon, ben, mon horizon temporel, ce sera la durée d'une législature, 5 ans. Est-ce que Buxton, qui était professeur de management, a élaboré comme idée, c'est que c'est très difficile de faire collaborer entre eux des gens qui ont des indices de Buxton trop différents. Et c'est le problème des informaticiens. Alors j'ai compris ça un jour, en discutant avec le patron d'une grosse PME qui reposait entièrement sur l'informatique, et je cause avec lui et je lui dis, t'as toujours des problèmes avec tes informaticiens. Bon, il n'arrêtait pas de licencier ses informaticiens, ça n'allait pas. Au bout d'un certain temps, il a fait faire son informatique en Roumanie. Là, ça allait bien mieux. Les programmeurs roumains, alors d'abord les roumains, il y a plein de gens qui parlent français, donc ça c'est pratique, et puis ensuite ils étaient ravis de travailler pour une boîte française avec des salaires qui étaient nettement plus bas que les salaires français et nettement plus haut que le salaire roumain moyen, donc finalement tout le monde était très content, ça résout le problème. Mais il me dit, oui, les informaticiens, ils sont à part dans la boîte, ils ne travaillent pas au même rythme que les autres, et ça m'a... C'est là que j'ai pensé à l'indice de Buxton. Et ça, c'est vraiment le gros truc à avoir en tête. Dans une entreprise, les informaticiens ont toujours un horizon temporel plus éloigné que les autres. Un commercial, son horizon temporel, c'est l'ordre de la semaine. C'est-à-dire, bon, bah, il va voir des prospects et bon, bah, soit il a la commande, soit il ne l'a pas. Ça peut être la semaine, ça peut être le mois, mais enfin, sauf pour des très gros trucs, c'est rare qu'on négocie pendant 2 ans pour vendre un truc. Bon, pour vendre des Airbus peut-être, mais pour vendre des choses moins chères, pour vendre des voitures, non. Le type va essayer, le client potentiel va essayer d'aller voir 2 ou 3 modèles de voitures, et puis... général, dans la semaine, il sait ce qu'il veut acheter comme voiture, s'il a vraiment envie d'en acheter une. Les gens de la communication ont aussi des horizons temporels très proches. Bon, le commercial qui veut qu'on installe le nouveau logiciel de relations clients sur son portable, son horizon temporel, c'est plutôt la demi-heure. Hein. Bon. Les informaticiens à qui on demande un développement nouveau ont généralement des horizons temporel plus lent. Tout travail informatique qui demande une véritable innovation, même si c'est tout petit, ça demande déjà au minimum 3 mois. Ce qui peut demander moins, c'est des choses qui sont répétitives. Alors, on va voir ça. Voilà. C'est quoi la nature du travail informatique ? Voilà, j'ai essayé de catégoriser ici les travaux informatiques qu'on peut trouver. Alors, je mets de côté les gens qui fabriquent des ordinateurs. Ça, c'est de l'électronique. Je passe à cette couleur. Voilà les six types de travaux que j'ai identifiés comme travaux informatiques. Et de voir quels sont ceux qui sont suffisamment répétitifs et suffisamment automatisables pour pouvoir être industrialisés. Enfin, je mets industrialisés entre beaucoup de guillemets, hein, parce que ça nécessiterait beaucoup de commentaires. Alors, écrire des logiciels, ça c'est le travail auquel on pense en premier. Un travail invisible, mais qui est très important et auquel on pense trop peu, administrer les systèmes et les réseaux. C'est un travail hautement complexe qui demande une qualification extrêmement élevée, mais qui ne se voit pas. Ça se voit le jour où ça ne marche pas. Et par contre, le reste... configuration de système complexe. Alors ça, c'est ce qu'on doit faire si on achète un ERP. Une fois que vous avez acheté l'ERP, ça ne fait rien, un ERP acheté, sorti de la boîte comme ça. Il faut que vous décriviez... Oui. Vous pouvez vous expliquer ce que c'est qu'un ERP ? ERP, bon, je ne sais même plus ce que ça veut dire. En français, c'est un PGI, logiciel de gestion intégrée. Voilà. Logiciel de gestion intégrée. Alors peut-être que le terme va pas plus aider, mais en gros, comme tout à l'heure, SAP avait décidé. Oui, voilà. Donc SAP, c'est un fabricant fournisseur de logiciels. Et donc eux, ils sont partis sur outiller la fonction finance. Parce que quand même, l'informatique est partie un peu de là, puisque c'est quand même la finance, la comptabilité qui ont été un des premiers métiers. Alors, j'ai pas connu cette époque, mais. C'est un peu parti de là. Et après, SAP s'est dit, bon, mais finalement, je l'ai vendu à tous les directeurs financiers, et puis je pourrais étendre. Donc là, ils sont partis sur de nouveaux modules qui sont sur la production. C'est quand même, SAP, c'est un produit allemand, et donc allemand, c'est parti quand même de la logique de fournir des sociétés industrielles. Donc après, ils sont donc allés... du monde de la finance, au monde du manufacturing, de la planification, au monde du sourcing, des achats. Et donc maintenant, une société, si elle veut, peut avoir SAP avec tous les modules, et donc ce logiciel de gestion intégrée où on dit que quand qui impacte le sourcing, les achats, va se répercuter sur le manufacturing et aussi va se répercuter sur les finances. C'est mais, vendu, c'est le rêve qui est vendu. Hein. Alors, un logiciel comme SAP, ça fait des tas de choses. J'ai connu SAP, ensuite Adolphe. Mais une fois que vous avez acheté SAP, c'est pas ça qui va gérer votre entreprise. Il va falloir que vous décriviez votre entreprise dans le langage de SAP. Et ça, c'est un travail considérable et complexe. Et la plupart des gens ne comprennent pas, y compris des dirigeants, c'est là que je dis qu'il y a une incompétence des dirigeants qui est dramatique. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une fois qu'on a acheté SAP, tout le travail reste à faire. Parce que le système d'information d'une entreprise, c'est extrêmement important. C'est dans une entreprise moderne, c'est-à-dire pas encore les universités, d'après ce que j'en ai vu, mais enfin ça va se faire petit à petit. C'est sûr, hein. SAP. Oui, oui. Mais. Oh. C'est SAP. Oui. C'est une catastrophe. Oh, c'est pas mieux avec les autres, hein, je peux vous consoler. Oui, à Dauphine, on avait CIFAC, évidemment. Le système d'information, c'est ce qui définit le langage de l'entreprise, hein, la sémantique et la syntaxe. Des entités que l'entreprise est capable de manipuler. Ça définit aussi, c'est là-dedans qu'on va définir les intentions de l'entreprise. Donc ça ne peut pas être tout fait, sinon ça voudra dire que toutes les entreprises seraient les mêmes et fabriqueraient la même chose. Par exemple, j'ai bien vu à Dauphine, bon, la scolarité de Dauphine, c'est pas la même que la scolarité de l'EHESS, ou c'est pas la même que la scolarité de l'université Pierre et Marie Curie, parce que c'est des universités qui ne font pas la même chose et qui ne la font pas de la même façon. Donc c'est ce que j'appelle configuration de système complexe. C'est une fois que vous avez signé pour SAP, il reste encore, d'après mon expérience, pour SIFAC, et encore en se faisant aider par l'AMU, il y avait encore deux bonnes années de travail avec une équipe de 5 ou 6 personnes à plein temps pour que ça fasse à peu près ce qu'on avait envie que ça fasse. Hein. Alors, déploiement d'application, ça c'est peut-être la seule chose industrialisable. C'est, je vois l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, c'était un peu ça. Ils faisaient des sites web pour des toutes petites entreprises. Ce qu'ils demandaient à ces informaticiens, c'était de faire deux sites par jour. Deux sites par jour. C'est ce que lui faisaient les Roumains après. Bon, ben, ces deux sites par jour, c'était bien sûr toujours le même site. On changeait le logo de l'entreprise, on changeait l'adresse. Enfin bon, voilà, il y avait une demi-journée de travail pour paramétrer l'entreprise et changer la charte graphique, et basta. Et alors ça, c'est industrialisable éventuellement. Le déploiement d'applications bureautiques éventuellement. Mais toutes les autres activités, c'est des activités soit de conception, et de conception hautement complexes, soit des activités de service et de conception. Enfin bref, c'est de la matière grise. Et ça, la matière grise, ça ne se manipule pas comme dans une vie antérieure, quand j'étais contremaître dans une plantation de coton de l'Alabama avant la guerre de sécession. Bon, ben, on fouette, si ça ne va pas assez vite, on fouette plus et les gens meurent ou vont plus vite. Là, ok, c'est simple, mais avec le travail intellectuel, on ne peut pas faire ça parce que, comme il a été vu tout à l'heure, il y a des multiples moyens de résistance à cette chose à faire. La tentative de la conduite de projet, c'était d'introduire une nouvelle méthode de commandement. Et c'était d'introduire de la taylorisation. C'était une tentative de taylorisation du travail informatique, toujours reposant sur le fait, sur l'erreur de concevoir ces travaux qui sont des travaux de conception comme des travaux d'exécution mécanique, où il suffit de donner les ordres et les gens n'ont qu'à obéir. C'est sur ce programme que le président de l'université Paris-Dauphine avait été élu. Les informaticiens, on fera des réunions, on ne s'assied pas, on reste debout, je donne les ordres, et ils dégagent pour faire le boulot. Il avait fait campagne là-dessus, hein. On ne s'est pas très bien entendu. Enfin, il en a eu pour son argent. Son système d'information n'a pas marché comme il voulait. On a quand même réussi à le faire. On a peut-être été trop bon de lui faire marcher son système d'information. Je pense que l'université Paris-Dauphine méritait bien de se casser la gueule. Mais comme toutes les autres, hein, je ne pense pas que ce soit tellement mieux ailleurs en général. Voilà, il s'agissait. Nouvelle méthode de commandement post-mai 68 aussi. Alors, la conduite de projet, ça va avec des grands tableaux où on voit les avancements, alors selon les goûts, il y a des diagrammes de perte, de Gantt, etc., où on voit les avancements. Alors avant, c'était comme dans l'Alabama, tu ramasses le coton ou je fouette. Bon, depuis mai 68, on ne peut plus faire ça. Donc, tu vois, Jean-Henri, le rétro-planning, là, les cases qui étaient vertes, là, à la réunion de projet à laquelle tu assistais, et tu étais d'accord, hein, les cases deviennent oranges, et puis là, à telle date, les cases sont rouges. Ça veut dire que tu t'es engagé à ce que ce soit fini à cette date-là. Ah oui. Oui, oui. C'est une méthode plus subtile, mais ça rejoint un peu ce qui était dit par mon prédécesseur. Voilà. Mais la taylorisation, les tentatives, alors je vois c'est ce qui se passe alors dans beaucoup d'endroits, on essaie de taylorisier le travail informatique et ça rate complètement évidemment. Est-ce que j'ai dû rater des choses? Oui. Je fais référence à mon ami et maître Michel Vol, qui m'a aidé à conceptualiser les trois révolutions industrielles. Hein. Oui, j'ai lu une fois sur la guerre de 14 un truc. Les premiers mois de la guerre de 14 ont causé de telles pertes humaines et matérielles que d'après les critères anciens, tout le monde pensait que ça allait s'arrêter tout de suite. Parce que d'après les critères anciens, tous les belligérants auraient dû être complètement hors d'état de continuer. Eh bien, l'industrialisation de la guerre et l'amélioration de sa productivité a permis que ça dure plus de 4 ans. Ce qui prouve que l'industrialisation, ça marche. Hein. Voilà, donc la seconde révolution industrielle, celle de la fin du 19e siècle, qui a duré jusqu'à la fin du 20e, reposait sur la main-d'œuvre. Ce qui change complètement avec la troisième révolution industrielle, qui est en cours depuis le milieu des années 70, révolution industrielle qui repose sur le microprocesseur et le logiciel, c'est que là, tout ce qui est automatisable est automatisé, donc il n'y aura plus de main-d'œuvre. Tendanciellement, on va vers la réduction de la main-d'œuvre, et par contre vers l'augmentation de besoins de cerveau d'œuvre. La main-d'œuvre, eh bien, c'est Taylor. Alors, une autre coïncidence chronologique intéressante, c'est que Taylor et Lénine ont travaillé en même temps et ont des idées parfaitement cohérentes. Hein, de le que faire de Lénine et les travaux de Taylor sur l'organisation du travail, c'est la même chose. Hein. C'est comment trouver des moyens subtils de botter le cul des gens pour les faire bosser plus vite, pour moins cher. Et bien malheureusement, ou heureusement, avec le cerveau d'œuvre, ces techniques ne marchent pas. Donc il faut bien avoir conscience du fait qu'on est dans une nouvelle révolution industrielle et qui est incompatible avec toutes les méthodes de gestion et d'organisation du travail qui précédaient. Voilà, alors voilà un diagramme qui résume assez bien les tentatives périmées que j'ai vues de gestion du travail dans les systèmes d'information et d'informatique. Hein. Donc c'est le cycle en V. Alors en gros, l'axe des abscisses, c'est l'axe du temps. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe de la noblesse. Alors tout en haut, il y a les tâches nobles, et tout en bas, il y a les tâches vulgaires. Donc on part en haut à gauche par une tâche noble qui est la spécification. Donc ça, c'est la maîtrise d'ouvrage qui dit ce qu'elle veut. Et puis ensuite, on a... Bon, alors... Quand on veut faire de l'informatique, il faut bien savoir que les utilisateurs ne sont pas en mesure de définir leurs besoins. C'est beaucoup trop compliqué, ça nécessite beaucoup trop de connaissances techniques. Donc ensuite, ce diagramme que je vous montre, c'est un truc qui ne marche pas. Hein, parce que ça supposerait que l'utilisateur qui fait la spécification soit capable de faire une spécification utilisable par les gens qui font la conception globale, qui ensuite passe à la conception détaillée, et puis ensuite on a les ouvriers informaticiens qui font le codage, et puis ensuite, une fois qu'on a fait le codage, ben les gens en remontent la pente, et puis 2 ans après, les gens qui ont fait les spécifications vont bien vérifier, après avoir dormi pendant 2 ans, que ce qui a été fait correspondait bien aux spécifications. Bon, ben bien sûr, ça ne peut pas marcher parce qu'en 2 ans, les spécifications auraient dû changer, ne serait-ce que parce que la législation a changé. Quand vous écrivez un logiciel de ressources humaines ou un logiciel de gestion comptable, bon, ben, il va de soi que chaque modification du code du travail ou chaque modification de la loi de finances ou de la LOLF ou du règlement de la comptabilité publique ou du code des marchés publics vous oblige à changer votre logiciel. Et puis, de toute façon, en 2 ans, les gens qui ont fait les spécifications auront été appelés à de plus hautes fonctions et remplacés par des nouveaux qui voient les choses complètement différemment et qui n'ont pas du tout envie de faire la même chose. Mais encore, la plupart des démarches fonctionnent là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... pourquoi ça ne marche pas Eh bien, parce qu'on ne sait pas faire, comme je me tue à vous le répéter depuis tout à l'heure, faire une spécification, il n'y a pas d'équivalent du dessin industriel. Et donc, la seule façon de faire, alors pourquoi ça ne marche pas, c'est que ça oblige à un cadençage du travail qui ne correspond pas à la réalité, que le temps que les équipes de maîtrise d'œuvre fassent la réalisation conforme à la spécification, eh bien le souhait de la maîtrise d'ouvrage aura changé, donc tout ce qui sera livré, si ça a été conforme à ce qui était demandé 2 ans avant, ben ce sera juste acheté quand ça arrivera. Bon, j'accélère un petit peu. Alors, les 4 erreurs qu'on a pour faire ça, c'est des erreurs très répandues. Ah, on va faire l'analyse de l'existant. Bon, bien sûr, il faut savoir ce qui existe, mais pas trop. L'existant, en général, c'est le vieux truc qu'on a envie de bazarder et de remplacer. Donc, si on analyse trop l'existant, on va se pénétrer des idées erronées du passé, qui sont au contraire celles dont il faut se débarrasser. Le recensement des besoins. Alors ça, on va voir tous les goûts des idées. Alors, comme les hauts responsables qui devraient s'en occuper n'ont pas envie de se fatiguer à faire ça, ils délèguent aux exécutants. Et les exécutants, ils vont vous raconter ce qu'ils font tous les jours. Et généralement, y compris les erreurs, les comportements, les façons de faire erronées ou inefficaces. Et alors là, une méta-erreur qui ossifie ça de façon absolument irrémissible, et c'est obligatoire dans la fonction publique, c'est de rédiger un schéma directeur du système d'information. Alors à partir du moment où on a ça, c'est foutu. Parce que justement, ça ossifie, ça empêche toute évolution. Or justement, un système d'information, c'est quelque chose qui doit être extrêmement mobile et extrêmement évolutif. Et c'est pas par des méthodes comme ça qu'on risque d'y arriver. Alors, comment est-ce qu'on peut... Alors, il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui ont élaboré des moyens de faire. Alors, ça marche plus ou moins. Hein. C'est de réaliser des systèmes informatiques en partant de composants élémentaires qu'on assemble. Donc, au lieu de partir d'une vision d'en haut qui voudrait tout définir et regarder ensuite comment ça se décompose en tâches élémentaires exécutées de plus en plus bas, de faire le contraire, de créer des composants élémentaires à partir du bas et de les assembler progressivement pour construire quelque chose. Alors les méthodes agiles, en quoi ça consiste? C'est des méthodes qui impliquent étroitement maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, qui d'ailleurs ne sont plus distinguées. Si on veut écrire un logiciel de gestion financière, eh bien c'est le directeur financier qui s'y colle, et il va être dans le même, les livres qui décrivent ça, je prends l'exemple de la méthode d'extreme programming, parce qu'il y a un bon bouquin en français qui décrit ça, mais il y a d'autres méthodes analogues. Ils vont jusqu'à décrire le plan du bureau dans lequel doit travailler l'équipe, avec la position des ordinateurs des uns et des autres suivant les rôles, pour que tout ça se passe bien. Alors j'ai fait ça, j'ai été à une époque responsable informatique d'un tout petit établissement de recherche, l'INED, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et on a fait le logiciel de gestion financière avec le directeur financier, alors tous les soirs, après 17h, quand tout le monde était parti, j'allais dans son bureau et puis on avait un système informatique qui permettait de faire ça. Et en fait, c'est lui qui a fait son système de gestion financière au moyen d'un langage adapté à son niveau de compétence informatique qui a progressé pendant ce temps-là. Puis je lui donnais un coup de main pour... Et il a réussi à tout faire lui-même et je pense qu'il n'y a que par des procédés de ce type que ça peut marcher. C'est-à-dire, étant donné que on ne peut pas avoir une spécification formelle sans entrer dans des détails techniques inaccessibles comme un immortel. Il faut pouvoir avoir un dialogue permanent. Les méthodes d'extreme programming, c'est au lieu de tester dans 2 ans que ce qu'on avait demandé 2 ans avant est bien conforme, et bien sûr ça ne va jamais marcher, c'est on va tester toutes les semaines, c'est-à-dire on va avoir des tests unitaires toutes les semaines, le directeur financier est dans le bureau en même temps que l'équipe de développement et on compare semaine après semaine comment évoluent les choses, comment se font les opérations et on assemble petit à petit le logiciel à partir de petites briques. Alors, je vais tâcher d'arrêter là bientôt parce que l'interface. Je vais, pour défendre cette démarche bottom-up, qui a l'avantage aussi d'être beaucoup plus rigolote que la démarche top-down, je vais m'asseoir sur un argument d'autorité d'une solidité inexpugnable, prix Nobel de physique, M. Feynman. Après, ça a été son dernier écrit. Hein. Quand il y a eu la catastrophe de la navette Challenger qui s'est désagrégée, volatilisée au décollage en 86, avec la mort de tous les astronautes qui étaient dedans, hein, le gouvernement américain a demandé une mission d'enquête pour savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et ils ont demandé un rapport à Feynman, prix Nobel de physique 65. Et ce rapport est en ligne et je vous conseille vivement sa lecture parce que, à mon avis, ça s'applique très bien au projet de système d'information, mais aussi au projet de recherche. Parce que finalement, lancer des navettes spatiales, c'était quand même un projet de recherche d'une certaine façon. C'était pas un truc banal qu'on pouvait acheter au prix unique d'habitude. Hein. Et Feynman explique que une des raisons pour lesquelles, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, le lanceur de la navette a pété parce que les joints du moteur auxiliaire ont éclaté. Alors évidemment, le lancement de la navette avait lieu au mois de janvier et il gelait à Cap Canaveral. Il y avait un temps sec et il gelait. C'est très rare en Floride qu'il gèle, donc c'est pour ça que ça ne s'était jamais produit. Mais on savait que les conditions atmosphériques en question faisaient que le matériau utilisé pour les joints ne résisterait pas à ce type de conditions atmosphériques. Donc on aurait pu savoir que ça allait péter. Mais c'était infaisable parce que tout le système avait été conçu de façon top-down et donc de tout reprendre, il aurait fallu reprendre la conception d'ensemble de l'ensemble lanceur navette pour corriger ça. Et ça aurait pris sans doute 2 ans. Ça aurait retardé le lancement de 2 ans. Tandis que si on avait utilisé une méthode bottom-up, on aurait pu uniquement retravailler sur ce composant élémentaire. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire tout du bottom-up. Il faut toujours un peu de top-down. Il faut quand même avoir une vision d'ensemble de ce à quoi on veut aboutir. Sinon, on n'aboutit jamais à arriver sur la Lune. Mais tout ça, ça demande des compétences et un alliage de compétences et des échanges de compétences entre gens, des dialogues entre gens de domaines de compétences différents. Ce qui doit vous rapprocher un peu de vos domaines de travail, parce que c'est un peu ça finalement dans l'université et la recherche. Hein. Et les méthodes tayloriennes avec une armée dont les officiers sont des ingénieurs, les sous-officiers, les contremaîtres, et la piétaille à qui on fait avancer ou pas, ça marche tout simplement pas dans les nouveaux domaines de. Voilà, je pourrais vous parler de ça encore jusqu'à 2h du matin, hein, mais j'en resterai là. C'est encore une des raisons pour lesquelles il faut introduire l'enseignement obligatoire de la programmation au moins de la seconde à la terminale, 3 heures par semaine pour tout le monde. C'est que il faut savoir comment ça marche, les systèmes informatiques. Sinon, on est comme un analphabète, c'est de l'obscurantisme, c'est de la barbarie. Donc, il faut que tout le monde sache comment marche la programmation. Je vois pour la seconde programme Révolution industrielle, je vois, ma famille, c'était plutôt une famille de littéraires. Et mon père et mon grand-père s'étaient obligés à savoir comment marchait une machine à vapeur. Mon père m'a fait visiter des centrales électriques quand j'étais petit. Enfin bon, eh bien, l'équivalent de ça maintenant, c'est qu'il faut que tout le monde sache programmer. Pas pour devenir forcément informaticien professionnel, mais pour savoir de quoi il retourne. Exactement de la même façon qu'au lycée, vous avez tous appris à résoudre des équations du second degré, même si vous êtes littéraire. Hein, je crois que c'est obligatoire. Tout le monde, personne ne peut arriver en terminale générale sans avoir résolu une équation du second degré, plus ou moins facilement. Mais bon, ensuite, dans votre vie, vous n'aurez jamais à vous en servir, et à peu près personne n'a jamais à s'en servir. Mais d'avoir résolu une fois une équation du second degré, ça permet de comprendre le travail de l'ingénieur, de comprendre tout un tas de choses sur la façon dont travaillent les gens qui lancent des navettes spatiales ou qui fabriquent des avions, parce qu'ils passent leur temps à résoudre des équations ou à travailler avec des logiciels qui résolvent des équations. Eh bien, c'est la même chose pour la programmation des ordinateurs. C'est obligatoire, il faut savoir ce qu'il en est, et pour savoir ce qu'il en est, il faut en avoir fait, même si c'est seulement au lycée. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, je pense... Bah écoute, merci Laurent. Moi, je vais juste réagir sur deux ou trois points qui m'ont convaincu que, en lisant ton blog, parce que c'est en recevant le lien régulièrement du blog de Laurent que j'ai lu une esquisse de ce qui a été présenté ce soir. J'aime bien la distinction entre travail réel et imitation de travail. Tu as dit que pour faire le travail réel, finalement, il faut une petite équipe et peu d'argent. Et que par contre, pour l'imitation de travail, il faut énormément d'argent et énormément de personnes. Moi, ça me fait penser aux réformes de la recherche, c'est-à-dire qu'on tente de nous imposer ce gigantisme aussi bien financier qu'humain, alors que je reste convaincue qu'on peut faire du très bon travail avec une petite équipe. J'ai bien aimé aussi l'indice de Buxton. Donc, ça, c'est bien, hein. Durée en année de la période pour laquelle on fait des plans d'action. Et tu as dit que c'était impossible de faire cohabiter, je dirais, toi tu as dit les informaticiens, moi je dirais les chercheurs avec les réformateurs, parce que là on a des temporalités qui sont totalement différentes et on n'arrive pas à s'adapter. Et par contre, ce que tu as dit sur la spécification, moi ça m'a rappelé et ça résonnait sur le bottom-up ou le fait de faire descendre la façon de faire le modèle par en haut, la programmation d'un bâtiment. Quand tu fais la là je reviens donc à ton parallèle avec l'urbanisme, oui, et l'architecture, quand tu fais la programmation d'un bâtiment, il y a des gens dont c'est le métier. Oui. Il se trouve que récemment, moi j'étais impliquée dans une opération de programmation et je me suis rendu compte que il était extrême. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire cette méthode agile, je l'ai quasiment pratiquée. C'est-à-dire qu'on a travaillé plusieurs mois avec des gens qui faisaient la programmation d'un bâtiment dans lequel il se trouve qu'on va aller nous. Et c'est vrai que là, l'échange s'est très bien passé et qu'à chaque réunion, on apprenait à se connaître et on expliquait de quoi on avait besoin pour que... Alors, je ne sais pas comment sera le bâtiment, mais disons que... Mais il peut y avoir aussi, j'ai d'autres exemples, mais ça que j'ai plutôt vu dans les archives, une programmation qui est faite par des strates qui ne connaissent pas bien le travail à ces différentes étapes et dans ces différentes formes. Et là, souvent, le résultat... Donc là, j'ai retrouvé un écho avec l'architecture. Oui, alors effectivement, ça, de travailler comme ça, c'est un peu similaire à ce qu'on dit. La différence, c'est qu'une fois que vous avez fait les plans de votre bâtiment, vous êtes mis d'accord. Bon, bah, une fois qu'on a attaqué les fonctions, après c'est terminé. On retrouve les problèmes que tu as décrits. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux juste un commentaire sur... Il y a un texte aussi très bien pour la programmation, c'est le... Le texte de Neil Stephenson, un auteur de science-fiction, qui s'appelle « In the beginning with the command line ». Et c'est vachement bien, c'est un texte de 40-50 pages qui explique. Oui, c'est excellent. Oui, et donc il fait un parallèle en fait, entre l'informatique et c'est ce qui se passait dans le roman de Wells, « La machine à remonter le temps ». Et avec les Morlocks et les Morlocks, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, les Morlocks, c'est des espèces de créatures absolument horribles qui vivent sous terre, et puis les Eloi, c'est des créatures qui se nourrissent, qui trouvent la nourriture au coin de la rue, et puis au bout d'un moment, le le héros se rend compte que en fait, les éleveurs qui sont gros, qui vivent bien dans la nature, ça, en fait, c'est le bétail des morleux qui vivent en dessous qui les nourrissent. Et en fait, il fait un parallèle entre les programmeurs et les utilisateurs. Et notamment de Windows, par exemple. Il y a l'utilisateur gentil Eloy sur son Windows qui connaît absolument pas comment ça marche. Et puis il y a le morleux qui, lui, connaît vraiment comment on marche Windows et qui en fait, celui qui tient rien. Ouais, c'est ça. C'est son problème. Et bon, pour l'informatique, il y a aussi un truc toujours qui me botte. Parce que, étant que informaticien, effectivement, on est souvent appelé par des collègues pour débugger des trucs qui ont rien à voir avec notre métier, d'ailleurs. Et en fait, le truc effarant, c'est que quelqu'un achète une machine à laver, lit le mode d'emploi de la machine à laver avant de la faire marcher. Je ne connais personne qui listera le mode d'emploi d'une machine à laver. Un ordinateur, on l'ouvre, on voudrait que ça marche tout seul, sans apprendre. Et donc, une machine à laver, un ordinateur, c'est pas le même degré de complexité. C'est un petit peu. Moi j'avais une question, c'est est-ce que votre expérience, est-ce que je vous ai bien compris, à propos des méthodes agiles, finalement vous en faites un peu de l'anthologie, ce serait la voie de sortie, c'est ça? Ça serait le nouvel. Je pose la question parce que effectivement, je sais que toutes les boîtes d'informatique, Capgemini, etc., sont passées à la méthode agile. C'est le Scrum, et ça, c'est aujourd'hui le produit. C'est ce qu'on vend, c'est ce qui se vend. Et donc, je serais intéressée de savoir si pour une fois un produit à la mode fonctionne. Avec plein de conditions. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de méthode toute faite. C'est que, encore une fois, ce qu'il faut mesurer. C'est l'extrême complexité de ces choses-là, qui sont sans commune mesure. Je vois, ça a été mes grandes dissensions avec le président Adolfin. Enfin, il a fini par comprendre des trucs à la fin. Toutes ces choses-là sont compliquées, prennent du temps, mais c'est sûr que les méthodes agiles. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Les méthodes traditionnelles en V, on est sûr que ça va être contre-productif. Si on applique les méthodes agiles de façon taylorienne, alors j'en reviens à votre exposé à vous-même, si vous appliquez les méthodes agiles en étant sans arrêt dans le dos des gens pour mesurer leur productivité, ça n'a pas marché. Il faut se résoudre à une chose. Oui, finalement, c'est peut-être ça que je devrais dire, c'est parmi les travaux informatiques que j'ai énumérés ici, à part et encore l'item numéro 4, déploiement d'application, ça on peut espérer que ce soit fait, bon je vois installer les logiciels de bureautique sur les postes de travail des employés administratifs, en gros on peut faire ça, enfin ça demande quand même c'est pas si simple que ça, mais enfin on peut se dire que ça ne demande pas des réflexions insondables. Mais tout le reste, c'est du travail artisanal. Fondamentalement, ça ne peut pas être autre chose qu'un travail artisanal de conception. Et quand je dis artisanal, quasiment artistique, si on veut. Hein. C'est de la créativité. On ne peut pas échapper à ça. Alors, ça veut dire que... Alors, évidemment, c'est très frustrant pour les DRH parce que la façon de mesurer la productivité de tous ces gens-là, de les évaluer et tout ça, c'est pas vraiment possible. Quoi. Je me rappelle, bon, il y a un autre vice qui se pratique beaucoup, ou qui se pratique peut-être encore d'ailleurs, c'est la cartographie des processus. Alors, l'item numéro 2, ce point de vue-là, alors, toujours quand j'étais à l'INSERM, était débarqué une bande de crétins qui venaient faire la cartographie des processus. Alors, ils voulaient voir quels étaient les processus impliqués pour l'administration de systèmes et réseaux. Ben, ils peuvent toujours courir. Alors, déjà, l'ingénieur système et réseau, alors, c'est un métier que j'ai pratiqué moi-même pendant une dizaine d'années dans ma jeunesse. Et puis, bon, c'est toujours ça qui m'a le plus intéressé dans l'informatique. Et puis, j'ai recruté, j'ai dirigé des gens qui faisaient l'administration de systèmes et de réseaux. Alors, qu'est-ce que je peux en dire comme ça? C'est des gens, il faut une compétence très élevée, un administrateur système et réseau incompétent, c'est vraiment la cata. Ça produit. Si le réseau marche plus, bon, c'est ce que j'ai été amené. Quand je suis arrivé à Dauphine, donc ma première réunion avec le président et la secrétaire générale, qui ne s'appelait pas encore DGS à l'époque, j'apprends, alors j'avais déjà appris, qu'il y avait un seul ingénieur réseau, il était à temps partiel 80%, et de toute façon, il allait partir en congé formation 18 mois. Je leur dis, bon, ben, il y a un problème très urgent à résoudre, c'est qu'il faut immédiatement trouver un ingénieur réseau. La secrétaire générale me dit, oh, ben non, il n'y a pas le feu, attendez, ça coûte cher, d'abord, ces gens-là, il faut les payer des sommes folles. Je lui dis, ben, écoutez, madame, si votre réseau s'arrête demain, ben, vous n'avez plus de comptabilité, vous n'avez plus de gestion des emplois du temps, vous n'avez plus d'inscription des étudiants, vous n'avez plus de réservation des salles, enfin, votre université ferme, c'est un point, c'est tout. Et ça arrive très vite qu'un réseau ne marche plus. Alors, effectivement, ça a l'air simple, les gens croient que le réseau, c'est comme la plomberie, on a fait venir un jour des gens pour poser les tuyaux, et puis depuis, il y a de l'eau. Bon, ben, le réseau, il se trouve que c'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu plus compliqué. Alors, sans vouloir sous-estimer le travail des plombiers, hein, ou des électriciens, mais le réseau informatique, c'est un truc qui demande des compétences extrêmement élevées, qui évolue assez vite, et qui... Alors, donc, les imbéciles de la cartographie des processus, tout ce qu'ils avaient trouvé comme processus dans l'administration... Pardon, donc, on a ces gens très compétents, payés plutôt cher, parce qu'il faut plutôt viser ingénieurs de recherche, si vous voulez avoir des gens vraiment bons. Parce que c'est très recherché sur le marché du travail, hein, si vous ne les payez pas, ils se barreront. Ils sont là dans leur bureau, ils sont quelquefois un peu asociaux. Et puis l'output final, on ne voit pas vraiment. Et donc tout le monde se dit, mais pourquoi on paye ces gens-là très cher, finalement rien fiche. Oui, en plus, ils ont souvent des horaires plutôt fantaisistes. Bon, mais le jour où le réseau ne marche plus... Alors, je vois, j'ai eu affaire à l'Inserm, toujours à l'Inserm, il y avait eu de mauvais ingénieurs réseau qui avaient fait un réseau mal foutu au siège de l'Inserm, rue de Tolbiac. Alors, pour se faciliter la vie, tout le siège de l'Inserm était dans un unique réseau sans aucune segmentation. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun cloisonnement entre les différentes parties du réseau. Donc, le jour où un imbécile est revenu avec son portable infecté par un virus, tout l'immeuble a été infecté. Il y avait 400 agents, 700 machines. Tout ça a dû être désinfecté. On s'est mis à une équipe de 12 personnes pour faire la désinfection poste par poste. Ça a duré 4 jours. Pendant 4 jours, la direction générale de l'Inserm était l'arme au pied. Bon, on s'en fiche, c'est le contribuable qui paye. Mais dans une entreprise, ça se paye cher, ce genre de truc. Voilà, donc ça, c'est le coût engendré par un mauvais ingénieur réseau. Donc, c'est très élevé. Mais si on cherche à voir en termes de processus, de production, de productivité, bon, en gros, on voit ces gens-là, ils glandent dans leur bureau à longueur de journée. Bon, mais n'empêche que leur travail est extrêmement important. Et il prend du temps, et ils bossent tout le temps. Mais simplement, ça ne se mesure pas selon les critères tayloriens. Oui, question, parce que par rapport à ce que je vois dans notre université, est-ce qu'il y a des tentations dans certains endroits de la DSI de prendre un peu rôle de contrôle par les indicateurs, enfin aller au service des présidences, des choses comme ça, donc pour avoir vraiment information et sur les activités de tous les personnels, d'indicateurs, et de jouer vraiment un rôle de participation aux prises de décision, un système d'information servant bien sûr à évaluer, à jouer des rôles d'évaluateur, et de plus pour leur propre personnel, à les centraliser par des tickets maintenant. On ne peut plus avoir accès aux informaticiens dans chaque composante dans la composante, ça se passe très très bien. Ils sont presque tous au bord de la crise de nerfs en ce moment parce qu'on doit passer par des tickets. La DSI veut contrôler et leur donner l'ordre d'intervention, alors que jusqu'à maintenant ils étaient assez autonomes. Alors, est-ce qu'il y a des, Est-ce que ça s'observe fréquemment des tentatives de chefs de décide au niveau central de distribuer le travail, alors qu'ils sont plutôt autonomes, ils ont par nature en effet. Et eux, ils faisaient très bien leur boulot jusqu'à maintenant, et là, il y a un burn-out pour le bon, dans toutes les composantes, j'ai l'impression qu'ils commencent à y avoir des petits problèmes suite. Et un consultant est passé par là aussi. Hein, Bon, alors, je pense que le DSI, étant donné le rôle central du système d'information de toute organisation de l'université, le fait que le DSI ne participe pas au comité de direction peut être vu comme un grave dysfonctionnement. Si le DSI ne participe pas au processus de décision, ça ne peut pas marcher bien. Ce genre de choses est vital. Alors maintenant, les informaticiens dans les composantes. Alors, je connais bien le problème parce que, effectivement, c'est confortable pour une unité de recherche ou pour un labo d'avoir son informaticien sous la main. En général, soit c'est une unité qui fait vraiment des choses informatiques, et dans ce cas-là, ça se justifie sans doute. Mais autrement, moi, ce que j'ai vu, c'est que, en général, l'informaticien est très mal. Alors, il est très populaire parce qu'il rend des tas de services, et en gros, c'est les chercheurs qui n'ont pas le niveau de compétence qu'ils devraient avoir et qui se font aider à faire leurs documents Word parce que simplement, ils n'ont pas eux-mêmes leur formation. Alors, ça a deux conséquences de ça. D'abord, c'est un gaspillage de personnel informatique pour faire des choses que les chercheurs, s'ils faisaient leur travail sérieusement, devraient savoir faire tout seuls. Et puis d'autre part, les informaticiens qui sont dans ce genre de rôle, ils perdent toute qualification. Le type qui a fait ça pendant quelques années, il n'est plus bon à rien. Alors ce qu'on observe aussi sociologiquement, ça c'est un truc que j'ai observé, c'est que quand on plonge un informaticien dans un milieu non informatique, assez rapidement, il ne veut plus être nommé informaticien, parce qu'il y a une certaine dévalorisation qui s'attache au statut d'informaticien. Moi, j'ai vu ça quand je travaillais. Alors, j'ai fait des observations là-dessus à l'INSEE. Dans ma jeunesse, je travaillais à l'INSEE. Donc là, il y avait des grands effectifs. L'INSEE, c'est 7000 personnes. Il y avait des choses comme ça. On détachait des informaticiens dans des divisions de statistiques ou d'économie. Au bout de quelques années, ils ne voulaient plus qu'on les considère comme des informaticiens. D'ailleurs, ils avaient réellement perdu leurs compétences. Ce genre de compétences, ça ne survit que si ça s'entretient. Alors il faut que ça se fasse de façon que tout le monde y trouve son compte, mais je pense que les enseignants-chercheurs et les personnels des universités comme des autres entreprises doivent être capables de se débrouiller avec leur outil de travail. J'ai réussi à obtenir ça de ma femme, alors c'est qu'on peut l'obtenir de tout le monde. Elle a beaucoup résisté, mais ça y est, maintenant, elle sait que c'est à elle de savoir comment. Je parle de dépannage. Du ticketing, les logiques. En fait, la question était sur les trucs de ticket. En fait, de ticketing. Eux savent que c'est urgent pour un campus, ils savent ce que c'est urgent. La DSI qui est centralisée ne sait pas forcément. Là aussi, c'est délicat parce que la demande d'assistance, elle est potentiellement infinie. C'est eux qui choisissent les écotonnes. Elle est potentiellement infinie. Donc, face à une demande infinie, alors vous ne pouvez pas recruter une infinité de techniciens dont la qualification va être, bien sûr, de plus en plus faible. Hein, parce que si vous avez... Bon, bien sûr, quand un enseignant-chercheur a besoin de sortir son document Word, parce que c'est là... Je ne parle vraiment pas de ce genre de dépannage. Je parle des... Oui, non, mais ça dérive. Hein. Au contact des enseignants-chercheurs, le dépannage. Ah ouais, tu sais, t'es venu dépanner mon ordinateur. Je t'en regarde pas, Lisa. Mais t'es venu dépanner mon ordinateur. Et tu sais, j'ai aussi un truc, tu pourrais pas m'aider là sur Excel, ainsi de suite. Et puis, il y a donc. Voilà. Donc, nous aussi, à l'EHESS, on a mis ce que vous dites. Hein, une logique de ticketing, c'est-à-dire qu'en gros, maintenant, quand les gens font 26-26 à EHESS, ils disent « mon ordinateur est lent » ou ainsi de suite, c'est traité, c'est-à-dire que moi, par exemple, le soir, chez moi, je regarde tous les tickets qu'il y a eu la journée, comme ça, ça m'informe ce qu'il y a, et ce qui permet de ne pas perdre une demande. Parce que la messagerie, actuellement, les gens gèrent les choses par la messagerie ou par le téléphone, mais ce ne sont pas des outils de travail. Alors après, on a des messages qui sont Donc c'est vrai que là, on rejoint ce que vous disiez, c'est intéressant de dire qu'il y a des activités dans la DSI qui, en fait, s'industrialisent. Elles doivent être un peu gérées de manière un peu plus industrielle, comme l'activité qui est de penser une nouvelle application. Là, ça, c'est de l'artisanat, ça ne s'industrialise pas. Je vois à Dauphine, alors c'était un des trucs, c'est le seul endroit où j'ai vu ça marcher bien, c'était à Dauphine. Un équilibre avec. Non, autrement, c'est. Je vois, les CERN, c'était n'importe quoi. Alors, dans tel ou tel service, ils avaient remarqué comme les techniciens d'assistance étaient plutôt de sexe masculin, ils savaient que s'ils envoyaient la plus jolie fille du service, ça allait passer devant les autres. Enfin, c'était. À mon avis, ça n'est pas des fonctionnements à encourager. Et donc, à Dauphine. Mais ça reposait entièrement sur le type qui était responsable de cette équipe, qui d'ailleurs il déployait une énergie considérable, à justement faire comprendre aux gens que qu'il fallait maintenir un équilibre et qu'on ne pouvait pas avoir. Parce que sinon, tout le monde s'attend. Je décroche mon téléphone et dans la minute qui suit, l'informaticien débarque et résout mon problème. Ça n'est pas possible. Ça n'est tout simplement pas possible. Alors, je pense qu'un des éléments de la solution, il n'y a pas de solution parfaite, hein, il y aura toujours des problèmes compliqués pour lesquels les gens auront besoin qu'on leur donne un coup de main, mais il faut aussi qu'ils soient plus autonomes parce que. Et donc, il faut de la formation, il faut que les gens sachent résoudre les problèmes simples. Enfin, même l'usage. Alors, apprendre l'informatique, c'est apprendre à programmer les ordinateurs. Mais il faut aussi apprendre à s'en servir. Le traitement de texte, c'est pas simple. La typographie est une chose extrêmement compliquée, donc se servir correctement de Word peut être très compliqué et ça doit s'apprendre. Mais encore, ça aussi, c'est un problème pour lequel il n'y a pas de solution parfaite. Mais l'idée d'avoir, j'ai mon informaticien sous la main, c'est comme ça, c'est très pratique, mais il faut, le type, au bout de 10 ans, c'est l'alcoolisme, hein, je suis désolé, mais ça ne peut pas aller vers autre chose. J'en ai connu, je parle en connaissance de cause. Un informaticien... C'est une compétence élevée qui doit se maintenir par une activité de haut niveau constante. Sinon, les gens périclitent. Et puis, en plus, au bout d'un certain temps, si on externalise tout, les gens ne savent plus que rédiger des cahiers des charges et ils ne savent plus faire le travail technique. Alors, j'avais eu une conversation au club des maîtres d'ouvrage. Alors, ce qui est important pour les informaticiens et pour les autres aussi, c'est de fréquenter les sociétés professionnelles, les associations professionnelles. J'ai toujours encouragé les gens de mes équipes à faire ça, à aller dans les réunions. Alors, il y en a dans tous les domaines. Hein. Sur des sujets techniques, ça leur permet de rencontrer des collègues qui travaillent sur les mêmes sujets qu'eux et d'avoir des échanges d'expérience. J'avais discuté au club des maîtres d'ouvrage, j'avais discuté avec un type qui était responsable de la maîtrise d'ouvrage du Crédit Lyonnais, et puis ensuite qui s'est retrouvé au Crédit Agricole quand il y a eu la fusion, il me disait, le principe qu'on a, et à mon avis c'est un bon principe, c'est qu'il faut toujours un pourcentage de personnel de développement interne pour le développement informatique, c'est les gens qui font les choses, il ne faut jamais que ça descende en dessous de 40%, et on vise au fait que ça ne monte pas au-dessus de 60%. Parce que si ça descend en dessous de 40%, ça veut dire qu'on n'a plus la maîtrise de nos projets. Si c'est entièrement sous-traité, on est à la merci des entreprises, comme c'était le cas à l'INSERM, hein, qui en profitent pour se goinfrer. Hein. Et puis c'est bien d'avoir quand même une partie de sous-traitance pour donner une marge de manœuvre en cas de ralentissement d'activité. Ça évite d'avoir à licencier, tout simplement. Enfin, bon, ici, on ne licencie pas, mais ça revient au même. On est sur la touche où on sous-emploie les gens, ça revient. C'est pas mieux, hein. Enfin, si, c'est moins mal. Non. C'est pas une chose idéale. Et donc, cette idée Alors, je vois à l'INSERM, il n'y avait quasiment plus aucun développement en interne. Donc, en gros, tout était entre les mains des sociétés de services. Alors, en plus, si la direction des ressources humaines et la direction financière avaient obtenu d'avoir leurs équipes informatiques à elles. Donc, alors, si c'est la direction financière ou la DRH qui sont complètement incompétentes, qui dirigent eux-mêmes leurs équipes informatiques, eh bien les prix sont multipliés par 4, tout de suite. Il y a quand même un truc quand il faut l'aide à l'utilisateur qui s'en met, qui ne comprend pas comment utiliser son Word, etc. Et le métier d'informaticien, il y a quand même il y a un truc que comment j'ai un petit peu à mélanger, là, c'est dans le développement d'un logiciel, d'une application, il y a deux choses. Il y a une chose qui fait que justement les utilisateurs ont beaucoup de problèmes, c'est qu'on laisse faire les interfaces aux machines par les informaticiens. Et au départ de l'informatique, enfin dans les années 70, 80, 90, c'était vraiment typiquement ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient formés à programmer en langage machine qui faisaient l'interface en machine, et du coup il fallait avoir une maîtrise informatique pour être capable de l'utiliser. Mais on n'en est pas beaucoup sorti de ça. Et il y a quand même, quand on prend un truc comme SIVAC, par exemple, on n'a absolument pas. C'est complètement aberrant d'avoir un logiciel dans lequel il faut taper un code à quatre chiffres et deux lettres pour créer un ordre de mission plutôt que d'avoir un menu sur lequel on clique ordre de mission. Je veux dire. Et à part, tant qu'on n'aura pas compris que le métier de designer créateur d'interface homme machine et informaticien. Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a plusieurs couches, c'est pareil en développement logiciel. C'est pas que dans les réseaux. Et la couche qui concerne l'utilisateur, elle doit être faite par des gens qui n'ont pas la même formation que la couche qui est tout en bas. Et là, on gagnera énormément. Et d'ailleurs, c'est malheureux à dire, parce que c'est une grosse entreprise qui a peut-être pas forcément des vues philanthropiques à long terme, mais une boîte comme Google fait beaucoup, actuellement, c'est eux qui font le plus de progrès en termes d'interface à machine. Aujourd'hui, on est capable de faire ça. Et ce qu'on fait perdre beaucoup de retard, c'est un autre gros de l'informatique, c'est Microsoft, qui a justement volontairement tout brouillé pendant des années, de façon à ce que les différentes couches ne puissent pas fonctionner de façon. Il faut voir aussi comment fonctionne. Tout à l'heure, vous parliez du site de Stick qui fait 500 dossiers pour modifier 500 fichiers pour modifier pour faire le passage à l'euro, et il y avait une vingtaine de lignes de COBOL. Mais aujourd'hui le fonctionnement des gros projets open source est assez phénoménal par rapport à ça, parce que là justement on n'a pas ces 500, on n'a pas ces kilomètres et ces kilomètres de cahier des charges. On a des gens qui sont dans des équipes réparties dans le monde entier avec des gens qui se voient jamais, qui se connaissent pas, qui se connaissent que par mail, etc. Et qui font des logiciels qui sont extrêmement intéressants et rapidement. Alors, effectivement, le logiciel libre comporte des méthodes de développement originales qui ne sont pas, qui sont plutôt du genre bottom-up en général. Bien sûr. Hein. Et voilà, alors le problème, c'est que les gens du logiciel libre, par définition, c'est des gens qui font des logiciels qui les intéressent. Et malheureusement, il y a assez peu de gens qui sont intéressés à la gestion financière des universités, à la gestion des ressources humaines, ou des trucs comme ça. Il y a un modèle économique derrière le livre. Et justement, c'est une énorme erreur des universités, parce que les universités sont les premiers qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce type de développement. Et au lieu de mettre des millions dans des conneries, comme SIFAC, comme les gens qui font payer à faire marcher un truc qui ne marchera jamais, etc. Ils auraient mis les mêmes millions ensemble dans un projet open source pour faire quelque chose de correct. Mais il y a encore une incompréhension. Ce qui est, par exemple, des boîtes comme IBM et quand ça existait encore, Sun Microsystems, avaient compris que, à côté de leur activité commerciale, ils pouvaient avoir une énorme activité en open source qui leur était profitable, même s'ils mettaient ça, il faudrait revenir pendant des heures dessus, mais il y a des moyens de développer des choses comme ça, et avec des équipes qui sont beaucoup plus importante que les 50 personnes qui font des rapports à s'en finir pour arriver à se comprendre, etc., qui sont partout dans le monde entier, et qui vont aller, oui, chacun corriger les 20 qu'ils doivent corriger leur entreprise. Mais ça aussi, je t'invite de demander un séminaire à lui tout seul. En tout cas, merci beaucoup.